Bonjour à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est Dominique Josepha qui vous présente Samedi Culture, la seule émission en français sur San Francisco Community Radio. Pour vous qui êtes intéressés par la langue française, DJ Fari propose Francophone tous les dimanches matins sur Radio Valencia. Sur Samedi Culture, notre invitée de cette semaine, Rosalie Muller-Boiral, va nous parler de l'écriture et des romans qu'elle a publiés. Bonne écoute à tous. Qui êtes-vous, Rosalie ? Je suis une actrice et une auteure de 27 ans. Je suis née à San Francisco. J'ai grandi en France et je suis revenue vivre à San Francisco il y a un an et demi. Et qu'est-ce que vous faites alors à San Francisco ? Je profite de la vie. Là, j'écris, je fais du théâtre et je donne des cours particuliers en français. Quelle est votre formation ? J'ai fait des études de psychologie à Montpellier, dans le sud de la France. Et je suis aussi allée à Paris faire les cours Florent pendant 3 ans. Puis je suis arrivée à San Francisco. Les cours Florent, c'est une bonne formation ? C'est une très bonne formation, oui. C'est un des cours les plus réputés de Paris, théâtre, pour la formation de l'acteur. Et donc vous avez passé 3 ans ? Trois ans là-bas. Et qu'est-ce que vous en avez tiré ? Une merveilleuse expérience. J'ai rencontré des gens formidables. J'avais de très bons professeurs aussi qui m'ont mis en confiance. C'est là que j'ai vraiment su que j'aimais faire du théâtre et jouer, donc sur les planches et jouer devant une caméra en français et en anglais. Et les professeurs que vous avez, enfin les enseignants ou je ne sais pas comment vous les appelez, ce sont des acteurs eux-mêmes ou des comédiens ? Certains oui, mais ce sont surtout des enseignants. Qui enseignent l'art dramatique ? Qui enseignent l'art dramatique, qui donnent des cours de masque, d'improvisation. Il y a toutes sortes de cours. Et qu'est-ce que vous avez préféré ? J'ai beaucoup aimé l'improvisation, même si je n'ai jamais été très à l'aise. Et les cours de théâtre, nous faisions du théâtre moderne, plus classique, de tous les styles. C'était passionnant. Vous vous êtes fait des amis ? Je me suis fait des amis, oui. Je suis toujours en contact avec certaines personnes. Il y en a qui ont percé ? Il y en a, oui, qui sont restés sur Paris et qui ont monté leur troupe de théâtre ou voilà, qui jouent régulièrement dans des théâtres parisiens. Ça ne vous a pas tenté de faire la même chose ? J'aurais pu si j'étais restée en France, j'aurais pu, j'avais quelques propositions, mais vraiment je voulais absolument revenir à San Francisco pour vivre une autre expérience. Qu'est-ce qui vous a attiré à San Francisco ? À part le fait que je suis née ici, j'ai toujours voulu connaître la vie américaine, californienne d'ailleurs, et c'est un rêve qui s'est concrétisé il y a un an et demi maintenant. Est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment intégrée dans le milieu américain, californien ? De plus en plus. Je suis surtout la française parmi les Américains, mais j'ai un côté américain dont je suis aussi assez fière. J'aime beaucoup cette culture et la mentalité des gens ici, très différente à celle de France. À votre avis, quelle est la différence entre la culture française et la culture américaine ? Ou quelles sont les différences ? Oui, il y a plusieurs différences, oui. Les Américains sont plus décontractés en général, plus accueillants, plus amicaux. Et en même temps, les Français, certains liens que j'ai avec mes amis français, je sais que je les aurai toujours, je serai toujours amie avec eux, alors que les Américains, les liens passent assez vite, disons. Les amitiés ne sont pas forcément très sincères, mais il y a cette différence-là. Sinon, le mode de vie est très différent aussi. Et là, pour le coup, pour le mode de vie, je suis plus française. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous préférez en France ? Disons, au quotidien, à l'heure à laquelle on mange, l'heure... Il y aurait tellement de choses à dire sur les différents modes de vie. Mais je pense que les Américains sont des vrais bosseurs, vraiment. Ils travaillent très très dur ici, ils font plusieurs boulots à la fois. Alors que les Français travaillent aussi, mais d'une façon différente. Le repas, par exemple, qui dure longtemps en France. Ici, on apporte son repas et on mange sur place ou on mange très très vite, 30 minutes. En France, ça dure plus longtemps quand même. Vous oui, avez remarqué ça dure plus longtemps, oui, c'est vrai. Et ils en profitent davantage. Sous prétexte de rendez-vous. Oui, aussi, oui. Vous avez écrit des livres, vous en avez déjà écrit 3. Oui. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous parler du premier, par exemple ? Alors, le premier roman, La Rose du Temps, je l'ai commencé, j'avais 16 ans, j'étais au lycée. en seconde. Donc je venais de redoubler, j'étais dans une période un peu bizarre, j'étais pas très bien dans ma peau, j'avais des soucis familiaux, et j'ai commencé à écrire. C'était comme une sorte de journal au début, et plus j'écrivais, plus j'ai eu l'envie de faire quelque chose. C'est devenu un roman, et c'était très thérapeutique également. J'écrivais surtout le soir, tard. D'ailleurs, comme j'étais au lycée, ça ne me réussissait pas toujours. Mais à la fin du roman, j'ai été vraiment très fière, très satisfaite. Car en même temps, dans ce premier roman, j'ai pu faire passer des messages à certaines personnes de mon entourage. C'était très implicite, mais les messages sont passés. Vous voulez dire les personnes de votre entourage? Vous parlez de vos parents, peut-être? Oui, de ma famille, oui, tout à fait, de mes parents. Et certaines choses que je ne pouvais pas dire, je les ai écrites et ça m'a fait beaucoup de bien. Pourquoi ne pouviez-vous pas les dire ? Parce que j'étais pas à l'aise avec les événements qui s'étaient passés et je n'avais pas pris peut-être assez de recul et j'avais une relation assez compliquée avec certains membres de ma famille et par l'écriture, ça a été plus simple. Donc votre famille a lu vos livres? Oui, oui. Et c'est comme ça qu'ils ont compris et qu'ils vous ont comprise? Oui, tout à fait. Bien, mon père en particulier a compris beaucoup de choses que je n'avais pas réussi à lui dire en face et ça a ranimé notre relation. Donc, nous sommes retrouvés. Donc c'était une bonne chose? C'était une bonne chose, oui. Et depuis, les choses vont bien avec lui? Depuis, oui, nous avons retrouvé une bonne relation. Je crois que vous avez dit il y a quelque temps que votre père était écrivain. Il est écrivain, en effet. Oui, il est publié aussi? Non, en fait, quand j'étais petite, quand nous habitions aux États-Unis, il écrivait des pièces américaines qui ont très bien marché. Puis quand on s'est installé à Paris, il a continué d'écrire pour des petits théâtres parisiens. Ça a bien marché. Et ce n'est que récemment qu'il s'est mis à écrire un roman. Et votre père habite encore aux États-Unis? Et il habite à Paris. Et actuellement même, il a déménagé en Suisse prochainement. Mais il a habité à Paris pendant de nombreuses années. Comme Johnny Hallyday. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait aimer l'écriture? L'écriture, c'est une façon pour moi de mettre ce que je ressens sur papier. C'est une façon d'exprimer mes sentiments, mes émotions. J'ai l'impression d'avoir tellement de choses en moi, des choses qui ont du mal à sortir parfois et qui ne peuvent sortir que par l'écriture. C'est comme une thérapie d'écrire. Dans mon premier roman, ça a été le cas, dans le deuxième également. Dans le troisième, je suis partie encore sur une autre direction, mais dans chacun de mes romans, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que je compte bien continuer. Vous pouvez nous parler de l'histoire du premier livre? De l'histoire, oui, tout à fait. Alors, c'est une jeune adolescente qui habite à Paris et il lui arrive un drame familial. Elle se retrouve dans le sud de la France, chez sa grand-mère et chez sa famille. Elle va repartir à zéro. Elle est entourée de ses proches, heureusement. Et il y a certains secrets autour d'elle, certains secrets qui vont se révéler. Elle va devoir être forte pour affronter des drames, d'autres drames. Et donc par la suite, à la suite d'un secret, elle va retourner à Paris à la recherche d'un membre de sa famille. Il y a une fin heureuse, voilà. C'est une histoire assez difficile peut-être, mais je me sens très proche de cette histoire. C'est quand même presque autobiographique alors. Presque, oui. Il y a beaucoup d'éléments de ma propre vie qui sont mélangés avec de la fiction, donc les gens qui me connaissent me reconnaîtront par moments, mais voilà, il y a une partie autobiographique. Pas tout, heureusement, mais voilà, c'est beaucoup d'éléments mélangés. En fait, commencer à écrire à 16 ans et publier quelques années plus tard, oui. C'est formidable. Vous oui, étiez très jeune, c'est un oui, bon départ dans la vie. C'est un bon départ, tout à fait, et j'ai eu beaucoup de chance car au départ, je n'étais pas sûre de vouloir être publiée, j'hésitais beaucoup. J'avais écrit pour moi et non pour les autres. Et par la suite, ma mère m'a poussée un peu, elle m'a encouragée à faire quelque chose de ce premier roman, donc j'ai tenté, et puis après avoir envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition, coup de refus, car un jeune auteur comme ça a peu de chance au départ, et un jour j'ai envoyé mon manuscrit à une maison d'édition à compte d'auteur à Paris, ils ont accepté, Et depuis, ça a fonctionné. J'ai fait des séances de dédicaces à Paris qui ont bien marché pendant 1 an, 2 ans. J'ai fait le Salon du Livre de Paris également. Et par contre, quand j'ai voulu publier le deuxième, je l'ai donc publié avant mon déménagement à San Francisco. Et à distance, ça a moins bien marché. C'est dommage, mais ça peut se rattraper, je pense. Oui, tout à fait, oui. Après, c'est le bouche à oreille qui marche vraiment beaucoup, ça aide en tout cas. Et je persévère, je continue. Voilà, c'est pour ça même que le troisième roman, L'au-delà des croyances, je suis en train de le traduire en anglais pour le publier aux États-Unis, alors que les deux premiers vont peut-être trouver leur voie quelque part en France. Mais... Et vous pouvez faire une séance de dédicace ou plusieurs séances pour le deuxième ? Et oui. C'est pas forcément quelque chose qu'on doit faire au début ? C'est quelque chose qu'on peut faire à tout moment. Oui. Mm-hmm. Donc, c'est rattrapable. C'est rattrapable, oui. Tout à fait. Il faudrait simplement aller en France un petit peu. Oui. Oui, pour le moment, j'y vais une fois par an, on va dire, pour dire bonjour à la famille et aux amis. Mais je pourrais y aller aussi pour... Ou même pendant que vous êtes là-bas, vous pourriez faire les dédicaces. Oui. En général, je n'y pense pas car j'ai la tête à autre chose. Je suis assez occupée, mais... Ça serait un moyen aussi. Mais oui, je pense que quand on a travaillé aussi longtemps sur quelque chose, ça vaut la peine de le faire fructifier quand même. Et tout à fait. D'en obtenir des résultats. Oui. Mais non, c'est un travail important. Bien sûr. J'ai consacré plusieurs années, beaucoup de travail, et il y a une partie de moi-même dans ces romans, donc je vais continuer, quoi qu'il en soit. Combien de temps passez-vous sur chaque roman ? Le premier roman, La Rose du Temps, plusieurs années, mais avec plusieurs interruptions aussi. Je me suis arrêtée quelques mois, même 1 an à un moment donné. Et au final, je suis très fière du résultat. Le deuxième roman, Sur le bon chemin, ça m'a mis 1 an pour l'écrire. Je l'avais déjà en moi depuis un bon moment. Et du coup, quand il a suffi de l'écrire, c'est venu très naturellement. Et le troisième, oui, plusieurs mois. Voilà. Et c'est-à-dire que vous travaillez toutes les semaines, tous les jours ? J'ai un rythme, comment dire. Je travaille quand j'en ai envie, quand je le sens. Je ne m'oblige pas. Si ça ne vient pas, je vais faire autre chose. Mais j'aime beaucoup travailler le soir, tard. D'ailleurs, il m'est arrivé de faire de nombreuses nuits blanches. Mais j'aime travailler seule dans ma chambre, sur mon ordinateur. Il y a... beaucoup de feuilles, beaucoup de brouillons éparpillés tout autour de moi et c'est génial. Mais oui, ça, je peux écrire plusieurs heures d'affilée et certains jours ne rien écrire du tout. C'est un rythme qui varie beaucoup et je pense que chaque auteur a son propre rythme. Ça marche avec l'inspiration ou... Tout à fait, oui, avec l'inspiration. Oui. Et un peu de tonus aussi. Oui, de la motivation et certains jours on est plus fatigué. Donc, par contre, il y a eu des soirées où mes amis voulaient que je sorte avec eux et j'avais une inspiration soudaine, je me mettais à écrire et je ne m'arrêtais plus. Et donc j'ai aussi raté des soirées, mais c'est avec un grand plaisir en tout cas. En tout cas, il y avait un résultat au bout. Il y avait un résultat, oui. Parlez-nous du second, donc, Sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Eh bien, j'ai voulu réunir tous mes voyages aux États-Unis, donc en un roman, toutes mes expériences. Donc, il y a une partie autobiographique, mais il y a aussi... C'est une fiction, principalement. Et donc, l'héroïne principale, enfin, l'héroïne, habite à Los Angeles avec son père et son grand-frère. Sa mère est décédée. Et parce qu'elle veut rejoindre son petit ami à San Francisco, son petit ami qui veut devenir acteur, et parce qu'elle a aussi soif d'aventure, elle veut partir, vivre, voyager, elle décide de partir en road trip avec son grand-frère et la petite amie de son grand-frère. Et voilà, c'est une aventure assez inattendue qui l'attend. Et voilà, elle va faire toutes sortes de rencontres, découvrir des lieux un peu imprévus. Et il y a des surprises tout au long de l'histoire, beaucoup de surprises. Mais à la fin, elle arrive à trouver sa voie, son chemin. Donc là encore, ça se termine bien. Ça se termine bien, oui. Au moins, on sait que quand on lit vos livres, on ne va pas pleurer à la fin. Non, on pleure pendant, mais à la fin, on a un grand sourire. C'est dur, alors ? C'est parfois assez dur, oui. Il y a toujours... J'évoque beaucoup d'accidents, autant dans le premier que dans le deuxième roman. D'accidents, je parle aussi de la mort, car c'est quand même un sujet important. C'est un sujet voilà, qui nous touche particulièrement. Je l'ai vécu et c'est vrai que j'avais envie de... C'est une sorte de témoignage aussi. Voilà. C'est parfait. Alors, et le troisième ? Le troisième est en cours, il n'est pas terminé? Le troisième est terminé. Est terminé, d'accord. Donc, est terminé et il n'est pas publié en France, mais une fois que la traduction américaine sera finie, j'essaierai de le publier aux États-Unis. D'accord, voilà. D'accord. Donc, il n'est pas encore commercialisé. Non. D'accord. Et au-delà des croyances, le thème? Alors, le thème, c'est le... Disons que le troisième est assez angoissant. Voilà, ça traite aussi de la mort, mais d'une façon encore différente. C'est l'histoire d'un jeune homme et de son frère jumeau. Voilà, il y a aussi une histoire d'amour, il en faut. C'est comme un besoin, voilà. Comme dans les films. Oui, comme dans les films, tout à fait. Et voilà, mais disons que je voulais changer un petit peu mes habitudes, parler d'autre chose, quelque chose qui ne me ressemble pas. Et donc voilà, le personnage principal est un homme qui raconte son histoire, en fait, à un journaliste écrivain. Et voilà, l'histoire se déroule principalement à New York, ville que j'aime beaucoup, j'y ai de la famille. Il y a beaucoup de péripéties également, mais une fin heureuse et aussi inattendue. Donc vous pouvez dire que vos livres sont plutôt sérieux? Plutôt sérieux, car ils parlent de sujets sérieux. Ils sont, je pense, aussi émouvants. C'est-à-dire, à travers l'écriture, j'ai vraiment envie de faire passer toutes sortes d'émotions, de la tristesse à la joie. Si je peux faire pleurer mon lecteur de tristesse et de joie, c'est un cadeau pour moi, vraiment. Et en même temps, j'ai envie de le surprendre, de surprendre le lecteur. C'est un défi. Vous aimez vos héros ? J'aime beaucoup mes héros, oui. Les deux personnages principaux donc de mes deux premiers romans sont des jeunes filles qui me ressemblent beaucoup. D'ailleurs, comme l'histoire est inspirée par ma propre histoire, elles me ressemblent. Et elles s'épanouissent tout au long du roman, comme moi je me suis épanouie dans ma propre vie. Alors que le troisième roman, le personnage principal ne me ressemble pas. C'est pour ça que c'était un autre genre de défi, car je devais me mettre à la place d'un homme. Mais il y a certaines choses. Par exemple, j'ai fait lire le roman à ma marraine et elle m'a vue dans l'histoire. Elle m'a vue à travers cet homme qui raconte son histoire et j'ai trouvé ça vraiment intéressant car en écrivant, je voulais sortir de ce personnage, que le personnage en tout cas soit une toute autre personne que moi-même et pourtant elle m'a vue dedans, comme quoi. Est-ce que vous pensez que vos personnages sont heureux? Je pense qu'ils sont à la recherche d'un certain bonheur. C'est peut-être qu'ils pensent qu'ils sont heureux et ils découvrent un autre bonheur, mais tout au long de l'histoire, ils ont davantage accès à ce bonheur. Et vous, Roselyne, vous êtes heureuse maintenant? Oui, de plus en plus, oui. Donc, le fait d'écrire, ça vous empêche de penser à vous, en fait? Peut-être, oui. Comme je mets toutes mes émotions et peut-être toute ma tristesse aussi, ma joie, tout ce que mon ressenti, je le mets dans mes romans. Peut-être qu'au final, eh bien, c'est ce qui me rend mieux dans ma peau, oui. Mmh. Quel est le personnage dans tous ces romans qui vous plaît le plus? Je crois que c'est le personnage du deuxième roman, oui, Sur le bon chemin. Serena, c'est une jeune fille qui a été gâtée par la vie, gâtée voilà, toute son enfance. Elle a vécu comme une petite princesse et tout d'un coup, il y a un drame. Elle doit faire face à ce drame et elle s'en sort malgré tout. Ce personnage me touche beaucoup. Avec le recul, aimez-vous toujours les romans que vous avez écrits? Bien sûr. Ah oui, mes romans vraiment sont ma plus grande fierté et c'est, comme je l'ai souvent dit, je suis contente d'avoir laissé une trace de moi sur cette terre. Et pour moi, quand j'ai reçu mes romans en main propre, ça m'a vraiment émue car c'était mon travail, c'est ma trace. Généralement, on pense comme ça quand on est plus vieux. Eh bien, je pense déjà comme ça. Et si vous deviez changer quelque chose, que changeriez-vous? Comme je vous l'ai dit, le premier roman, je l'ai écrit très jeune, car j'étais jeune quand je l'ai écrit, et peut-être que je changerais certaines choses au niveau du style ou de la façon d'écrire, peut-être, mais les histoires telles qu'elles sont, je ne les changerais pas. Le fond resterait le même? Oui. Vous changeriez les personnages? Non, non, absolument pas. J'ai dit ce que j'avais à dire et je l'assume parfaitement. Quand vous travaillez, vous avez dit aussi que vous écriviez sur du papier. Oui. Est-ce que vous aimez le contact avec le papier? J'aime beaucoup, oui, tout à fait. Ça vous donne une autre impression ou qu'est-ce que vous ressentez dans ce cas? C'est très différent. J'ai commencé comme ça, l'écriture sur le papier. C'est tellement plus concret pour moi. Je n'arriverai même pas à l'expliquer, en fait. Mais comme j'ai commencé comme ça, à écrire des brouillons, à tout ce qui me passait par la tête, je le posais sur papier et ensuite je le tapais à l'ordinateur. C'est devenu, oui, un automatisme pour moi. Vous pensez qu'on pourrait tout faire sur l'ordinateur? Non. Par contre, on pourrait tout faire sur le papier. Oui. Oui, le papier, nous en aurons toujours besoin, oui. Et vous faites beaucoup de corrections? J'en fais beaucoup. Il faut en faire. Vous réécrivez des paragraphes Bien sûr, je modifie beaucoup de choses. Je reviens, je relis, je modifie, j'efface. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Mais en même temps, c'est une passion. Le temps passe tellement, tellement vite quand j'écris. Je ne le vois pas passer. Et quand je dis que je modifie, c'est en fait, au niveau des corrections, c'est tellement difficile pour un auteur même de savoir à quel moment il a fini, à quel moment il ne doit plus revenir sur son roman, à quel moment mettre le point final, que moi-même je pourrais relire et relire et encore relire mon roman et je me dirais jamais ça y est, c'est fini. Car c'est triste en même temps de finir un ouvrage comme ça, c'est triste. Et quand sentez-vous alors que c'est la fin? Quand est-ce que ça vous convient et que vous avez vraiment envie d'arrêter? Quand on a mal à la tête, à force d'avoir relu peut-être. Mais disons que il y a un moment où on sent que on a écrit ce qu'on voulait écrire, le moment où on sent que oui, on le ressent en fait, on le ressent vraiment après plusieurs relectures. Parfois, on peut aussi donner à lire à ses proches et quand on a un feedback, c'est très important aussi. Je dois vous avouer que pour le premier roman, je l'ai fini. Je suis revenue un an après dessus et je me suis dit que je pouvais encore ajouter des choses. Mais je manquais aussi d'expérience à ce moment-là, donc je ne savais absolument pas ce que c'était que d'écrire un roman. Alors que le deuxième, quand je l'ai fini, c'était fini. Et le troisième également. Mais c'est un travail de longue haleine, comme on dit. Qu'est-ce que c'est, en fait, écrire un roman? Écrire un roman, c'est poser une partie de soi sur papier. Il faut quand même respecter une forme traditionnelle. Oui. L'introduction, la synthèse, oui. L'antithèse, la conclusion, etc. Il y a beaucoup. Oui, oui, oui, tout à fait. Donc vous faites tout ça, vous suivez bien tout ça? Oui. Ce format? Beaucoup d'auteurs ont certains plans, ont des schémas très construits à l'avant. Et pour mon premier roman, j'ai vraiment fait au feeling, c'est-à-dire que vers la moitié seulement, je me suis dit, je vais en faire un roman. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à construire davantage, oui, à écrire vraiment pour que cela devienne un roman. Alors que le deuxième, dès le départ, je me suis fait un plan et ça m'a beaucoup aidée. Au moins, je savais facile, où j'allais, j'avais les grandes lignes à l'avance et c'était plus facile. Mais oui, avoir un schéma. J'aime bien avoir juste un plan détaillé de ce que je vais écrire, avoir les idées principales et oui, tout à fait. En fait, vous avez les titres des chapitres? Alors les titres, bizarrement, me viennent après avoir écrit. Chacun a sa méthode, voilà, on peut toujours changer. Alors que les titres des romans me sont venus pour la plupart avant d'avoir écrit le roman, autant les titres de chapitres me viennent après. Voilà. Et les titres des livres, ils vous sont venus comment? Les titres des livres, c'est... Le premier a été assez difficile à trouver dans un sens, car je voulais qu'il me corresponde. Il me corresponde autant à moi, autant qu'auteur, autant à l'histoire. Et je crois que j'ai dû en rêver une nuit, mais il m'est venu comme ça. Mais en fait, il vous correspond, puisque Rose, oui. La rose du temps, Rose, c'est Rosalie. Oui, c'est vrai, il me correspond bien, voilà, donc je tenais, quand je l'ai eu en tête, je ne l'ai plus lâché, c'était ce titre-là et pas un autre, et pour le deuxième, j'ai eu le titre avant même d'écrire le roman, on va dire, j'avais quelques choix, mais les mots étaient plus ou moins les mêmes, donc oui, les titres Pour le premier et le deuxième, se sont faits assez instinctivement. Et pour le troisième, j'avais le titre avant d'écrire le roman. Et quelles sont vos sources d'inspiration ? Ma vie, mon quotidien, on peut dire ça. Les rencontres que je fais, les situations que je vis, tout un tas de choses. Oui, vraiment le quotidien. Et vos amis ? M'inspire. Mes amis beaucoup. D'ailleurs, certains de mes amis sont dans mes romans. C'est très implicite, bien sûr. Mais certains se sont reconnus, d'autres non. Mais moi, je sais qu'ils sont dedans. Pour le deuxième roman, j'ai voulu prendre tous les noms de mes étudiants. Donc, comme je donne des cours de français, j'ai eu beaucoup d'étudiants cette année et j'ai utilisé leurs prénoms. Ça, c'est original. Oui. Et ils lisent, ils ont lu vos romans ? Certains, oui. Certains, oui. Et se sont retrouvés ? Ils se sont retrouvés d'une certaine façon, car j'utilisais leur prénom, mais rien d'autre. Oui, pas leur personnalité, il n'y a pas de description du tout. Non, pas beaucoup, non. Je voulais faire très simple. Quel est le livre qui vous a pris le plus de temps ? Le premier. Le premier m'a pris plusieurs années, avec des pauses, avec beaucoup de réflexions, car en même temps, j'étais au lycée, j'avais d'autres préoccupations, comme réussir mon bac. Quand je l'ai fini, d'ailleurs, je l'ai laissé pendant un bon moment dans un tiroir, et je ne suis revenue dessus qu'après. Oui, le premier a été vraiment très émouvant, car quand je l'ai fini et que je l'ai fait lire à mes proches, quand j'ai eu les premiers retours, c'est là que j'ai compris que je devais continuer. Donc les retours étaient positifs. Les retours étaient positifs. Il y en avait certains, comme mon père ou ma mère, qui ont été profondément touchés, car ils sont dans le premier roman. Mais c'est très difficile de faire lire. C'est comme une partie de soi-même qu'on expose, donc à sa propre famille ou à des étrangers. Et on est jugé, bien sûr qu'on est jugé, mais c'est... En même temps, on a envie d'être jugé dans un sens, sinon on ne ferait pas lire. C'est un besoin, oui. Et j'avais juste envie de témoigner et même de dénoncer certaines choses qui m'étaient arrivées, et c'est pour ça que je devais l'écrire. Et j'ai eu de bons retours. On se met à nu. Vous les faites lire aussi pendant la conception du livre ? Non, à la fin. À la fin, seulement. Seulement à la fin, oui. Donc, il vous est arrivé de rectifier quelque chose en suivant les conseils de quelqu'un ? Quelque chose au niveau de la forme. Car comme mon père est écrivain, il m'a donné quelques conseils au niveau du style, donc des choses que j'ai modifiées par la suite. Mais au niveau du fond, de l'histoire elle-même, même si certaines choses dérangeaient certaines personnes de mon entourage, je n'ai rien changé. Quand vous écrivez, que voulez-vous transmettre au lecteur? Toutes sortes d'émotions. Et vous pensez que vous y arrivez? Oui, je pense que j'y arrive. J'ai eu des retours qui m'ont prouvé que j'y étais arrivée, et vraiment, ce que j'ai voulu transmettre, je pense y être sincèrement arrivée. Et d'ailleurs, peut-être que si je n'avais pas écrit mon premier roman, j'aurais toujours une relation un peu difficile avec mon père. Donc, quelque part, ça a beaucoup aidé. Transmettre des émotions, je trouve ça formidable. C'est aussi pour ça que je suis actrice. Transmettre des émotions, mais aussi peut-être transmettre des idées ou un guide dans la vie. Oui, bien sûr. Je crois que... Oui, j'allais le dire. Donc, je crois qu'il y a des conseils, et c'est surtout par rapport à, comment dire, à la perte d'un proche ou à des trahisons familiales ou autres. J'évoque beaucoup ces sujets, et peut-être qu'il y a certains conseils que je donne, et j'espère que certaines personnes se reconnaîtront, ou en tout cas que ça les aidera dans leur propre vie. Je l'espère vraiment. Oui. Oui. Donc en fait, ces romans s'adressent beaucoup aux jeunes. Oui, ils s'adressent aux jeunes, à tout âge confondu, je pense. Je crois que les trois romans même correspondent à un public de tout âge, peut-être donc plus orienté vers l'adolescence. Mais il y a aussi des adultes qui ont beaucoup apprécié. Vraiment, ça s'adresse à tout le monde, car nous vivons tous des expériences parfois complètement extraordinaires ou surréalistes qui nous changent complètement. Ça peut permettre aussi à beaucoup de parents de comprendre leurs enfants, comme ce qui est arrivé chez vous avec votre père. Oui, tout à fait, oui. Ça peut aider des gens, oui. J'en suis sûre. À travers mon expérience, j'espère que ça pourra aider et même, soulager certaines personnes, qu'elles se disent que c'est des choses qui arrivent, mais on peut toujours surmonter les drames et en faire des expériences. J'ai oublié de vous poser une question pour l'écriture. Quand avez-vous le plus d'inspiration ? Ça vient et ça ne prévient pas quand ça vient. matin. Donc à toute heure, je peux avoir de l'inspiration, mais en général, c'est le soir, quand je suis au calme chez moi, ou en fin d'après-midi. En général, le matin, non, car je ne suis pas très bien réveillée. Ça vient plus tard dans la journée. Il m'arrive souvent d'avoir des idées, de les noter, et puis de m'en servir plus tard. Et vous travaillez toujours seule ? Seule, oui, vraiment. Et quand on a des colocataires, ce n'est pas évident. Mais j'aime travailler seule, au calme, dans ma chambre. Je ne peux pas travailler au café, par exemple. À cause du bruit ? À cause du bruit, et puis parce qu'il y a des gens autour de moi. Mmh. Et... beaucoup de distractions ? Oui, beaucoup. D'ailleurs, je ne peux pas travailler de la musique. Ah, d'accord, oui. Ça, c'est rare pour des jeunes de votre âge. Oui, mais bon. Oui, généralement, les jeunes, leurs écouteurs, et ils étudient, ils font le programme du bac et les écouteurs dans les... J'ai fait ça quand j'apprenais mes leçons au lycée, mais l'écriture, c'est encore autre chose. Mmh. On peut le comprendre. Eh bien, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien et je vous souhaite une bonne continuation et surtout beaucoup de succès. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient faire des commentaires ou contacter Rosalie Muller-Boiral, notre blog wordpress.com, Samedi Culture, peut vous faciliter le contact. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et espère vous retrouver plus nombreux encore la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.